Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères... Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu... Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu... Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Serena. Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Venez, venez. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect. The cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Don't be funny. Don't be funny. Don't be the funny. Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 36, nous allons vous parler de Edge of Tomorrow, en français Edge of Tomorrow, ah ouais. Un titre québécois, Un jour sans lendemain. C'est un film sorti en 2014 réalisé par Doug Liman où Tom Cruise joue le rôle de William Cage. Eh oui. Eh oui. Serena, comment ça va? Ça va, ça va. Et toi? Mais ça va. Ah, est-ce Bonjour. Que tu avais déjà vu ce film? Oh oui, oui, oui. Moult oui. fois. En boucle. Pas tant de fois que ça. Mais je l'avais déjà vu, peut-être deux fois. Ah ouais. Et tu l'as vu au cinéma? Vraiment aimé. Non, pas au cinéma. Non, j'étais pas encore fan de Tom Cruise. Mais non, je l'ai vu sur l'ordi et j'ai adoré. Et là, je dis, ah, mais Tom Cruise, il est pas si mal que ça, en fait. Ok. Et poum. Et boum. Et toi? Moi, je l'avais vu et je crois que je l'ai vu au cinéma. Ah, trop bien. Ouais, je crois que ça fait partie de ceux que j'ai vus au cinéma. Trop bien, ça doit être cool. Ouais. Mais je me rappelle pas, donc peut-être c'est faux. C'est oui. un nombreux mensonge. Ok. Bon, alors, épisode classique. Pas d'invité, rien du tout. Non. On va pas vous le faire en boucle non plus. Non. Mais on va commencer avec un petit résumé. Oh oui. Alors. Je vais tout spoiler, comme d'hab. Donc, ouais. C'est un peu dommage pour ce film. Oui, si vous l'avez après pas il est connu maintenant quand même. Tant pis pour vous. Le principe du film maintenant tout le monde le connaît. Oui, oui, oui. Au bord de... On commence par diverses images du JT, de différents JT dans le monde, où on voit... François Hollande. Avec François Hollande, j'ai noté. Hollande. Pareil. Et, où on parle de météorites, puis on parle d'attaques massives, puis on parle de aliens. Oui. Et on dit que c'est un peu compliqué, mais en Europe, en fait, il y a eu plusieurs attaques. Et il y a Tom Cruise très brièvement. Oui, qui est interviewé à la télé. Et qui dit qu'en gros, c'est la presse de l'armée. Il fait la presse de l'armée, il y a un officier de l'armée qui dit il faut absolument aller à la guerre, il n'y a pas de soucis. Nous avons des super nouvelles armures, des ouf malades. Il faut juste une journée d'entraînement et vous êtes trop, trop fort. et c'est une espèce d'armure mécanique. Un exosquelette. Merci. Plaisir. Et qui est l'armure du futur. Regardez l'ange du Verdun. Donc, il y a eu une victoire, une seule victoire. Ils étaient complètement défoncés par ces aliens. Il y a eu une victoire à Verdun, où l'ange du Verdun, donc Emily Blunt, l'actrice, les premiers jours où elle a mis ses exosquelettes. Oui, exosquelettes. Elle a défoncé, je sais pas, des centaines, ouais. des milliers d'aliens et elle a gagné. Waouh, truc de Confort. Ouf. Donc maintenant, tout le monde est hyper pompé. Il faut repartir à la guerre. Ouais, on va les bloquer parce que tous les aliens, ils sont bloqués en Europe. Donc, ils essaient d'empêcher aux aliens de passer la Manche, comme si c'était en gros, ouais. si difficile que ça pour des aliens. Et ils les bloquent. Mais ils n'ont pas les papiers. C'est galère d'aller en Angleterre quand tu es un peu un migrant. En plus, c'est pas un passeport. Bah, non, c'est mort. Avec le Brexit, c'est très compliqué maintenant. Et après, à l'Est, il y a les Russes et les Chinois qui, ouais, qui défendent les fronts Est. En gros, il y a une alliance mondiale qui s'est faite pour être contre les aliens. Mm. Quatre on se retrouve à Londres dans un hélicoptère. Tom Cruise, avec sa casquette des travioles, il dort. Il arrive au QG de la Force des Défenses Unies, donc ces nouveaux entités qui défendent le monde. Et va voir les générales, que je ne sais plus comment elle s'appelle. Général. Je ne m'en rappelle plus. Un général qui lui dit, en gros, le général dit à Tom Cruise, bon, très bien, demain matin, on va faire l'opération Crépuscule, que c'est la dernière grosse opération massive, où on va défoncer ces aliens, quoi. Il nous faut au taquet du monde. Et Tom Cruise dit, bon, bah, pas de soucis, moi je peux aller à la télé. Vous... Tu peux te la vendre comme tu veux, la guerre. Pas de soucis. Et lui dit, non, il faut que vous alliez au front. Il dit, moi, what? Non, moi si je fais ça, c'est pour justement jamais aller au front, j'ai pas envie du tout. Ah non, vous allez. Il dit, non, je vais pas. C'est pas faire, en fait. Il dit, c'est là qu'il dit qu'il a jamais été soldat, enfin il a été réserviste, juste. Il a jamais rien fait. Et les gars, il avait une agence de com, en fait. Des pubs. C'est un publicitaire qui retrouve, il est major dans l'armée. Quoi. Donc, il essaye, il dit, le général dit, ah ok, d'accord, allez-y, il n'y a pas de souci. Il sort et dit, arrêtez cet homme. Coup de taser, blackout, noir. Il se réveille sur un tas de sacs, menotté. Ouais. Et il y a des soldats partout. Il se retrouve en gros. Une base militaire à Heathrow. Heathrow, exactement. Et il y a un officier qui le réveille, qui lui dit « Allez, il faut aller à la formation, c'est votre jour de formation soldat simple. Vous avez essayé de vous échapper, vous êtes rattaché à l'escouade J. » Donc il amène à l'escouade J. Les squad G, ils sont en train de jouer à poker, c'est des racailles un pire que l'autre, ils le regardent tous super mal. Tom Cruise s'est dit non, mais je dois être pas ici. Oh, oui, je suis officier, vous êtes trompé. Il dit mais tu as pas les grades d'officier là, maintenant tu es soldat simple. Donc demain matin à 6h, départ opération Crépuscule. Oh mon dieu. Les lendemains matin. Une après-midi de formation et hop. Et c'est parti. En avant. Donc ils partent. Lui, il essaie de s'échapper dans tous les moyens, mais il n'y arrive pas. L'escouade J, il est un peu sur lui. Il les embarque sur des avions, des espèces d'avions, je ne sais pas comment on appelle. Avions, hélicoptères en fait. Oui, un truc. Mélange des deux. Il y en a des milliers. On lui met une espèce d'armure, donc l'exosquelette. Il ne sait même pas comment enlever la sécurité, donc il ne peut même pas tirer. Oui, ils se foutent tous de sa gueule en disant tu sais, il y a un problème avec ton armure. Ah ouais, c'est quoi? Il y a un cadavre dedans. Enfin voilà, c'est ils sont très drôles. C'est de l'humour de militaire, hein, c'est pas... Très très drôle. Il y a l'ange du Verdun, dite aussi Full Metal Beach. J'adore. Qui part avec eux. Ben, pas dans les mêmes avions, mais oui. On la voit partir. On va faire le même assaut. Et ils arrivent au front. Ils sont en haut dans l'hélicoptère. Ils doivent se jeter dans le vide. Tom Cruise, il panique à mort. Ils ouvrent les portillons en bas de leurs pieds pour qu'eux, ils se jettent dans le vide. Et là, bam, explosion. L'avion, il est pris. Tout le monde est en train de mourir. Oh mon Dieu. Allez, Tom Cruise. Tombe, ouais, ils sont dans tous les en train de se jeter dans le vide pour débarquer sur la plage. Ils se jettent sur la plage, il y a des explosions partout, il y a son copain, un gars de l'escouade qui s'est fait tuer par un avion qui lui tombe sur la gueule, il y a plein de morts partout. Lui, Tom Cruise, on ne comprend pas trop, il n'arrive même pas à marcher. Quoi. Ah oui, il galère à courir. Il galère avec la squelette. Il n'a toujours pas trouvé la sécurité. Enfin, ouais, il galère. Là, il se planque partout. Il fait ce qu'il peut. Il court. Il y a plein de morts à côté de lui. En gros, il se retrouve au milieu du bordel. Il y a l'ange... De Verdun qui le sauve à un moment à moitié. Elle se fait buter. Donc elle meurt. Il retrouve quelques copains de l'escouade J qui disent attention, il y a les mimiques. Les mimiques, c'est les aliens. Oui. Donc. Qui sont des espèces de gros spaghettis noirs. Ah, moi j'aurais dit des poulpes. Mais oui, ouais. Un peu entre spaghettis et poulpes. Tu sais, les spaghettis à l'encre de sèche, là. Oui, c'est vrai. Qui bougent. Voilà. Qui bougent hyper vite. Donc. Il tue la moitié de l'escouade J. Tom Cruise, il arrive à enlever la sécurité de son truc. Il tue, pam, pam, pam, pam, pam, un mimique. Et là, d'un coup, il arrive un énorme mimique bleu, différent des autres, ouais. qui va pour attaquer Tom Cruise. Tom Cruise arrive à déclencher une putain d'explosion de ouf malade, donc il le tue. Il s'est fait recouvrir du sang de ce poulpe bleu. Il crame. Donc les seins de du truc bleu va sur Tom Cruise qui le crame, il est mort. Mm. Ah ! Il se réveille. Hein ? Quoi ? Il se réveille sur un tas de sacs à Heathrow, à la base militaire. Et oui. Il revoit les squad J et comprend qu'il revit la même journée. Donc il entend les mêmes discussions, il voit les squad J, il remonte sur l'avion, il y a l'explosion pareille, il descend sur la plage, il essaie de sauver l'ange de Verdun, il y arrive, mais il se fait buter. Et l'ange de Verdun, il le sauve pas, il lui vole sa batterie, parce que ses armures elles vont à batterie. Et à Mimic, il arrive, il le bouffe et c'est fini. Ah! Il se réveille. Voilà. Donc, il se réveille sur l'état des sacs. Il essaie de convaincre les sergents qui l'amènent à l'escouadji, oui, qui est un peu son chef. Il lui dit, non, mais c'est hyper dangereux. Demain, on va se faire buter. Il faut pas faire ça. Personne l'écoute. À l'escouadji, pareil. Personne l'écoute. Tout le monde se moque de lui. On lui met carrément un scotch sur la bouche. On le met sur l'avion. Il tombe sur la plage. L'avion lui tombe des sauts. Oui, parce qu'il essaye de sauver l'autre copain. Ah, il se réveille. Il commence à courir hyper bien avec la... Ah, ça va mieux. L'armure. L'armure. Il retrouve l'ange des Verdun. Il se fait tuer par une voiture. Ah, il se réveille. Donc, il y arrive à passer la voiture. Ouais, il passe la voiture. Il saute sur l'ange de Verdun. Donc, il la sauve, entre guillemets. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il dit Il la suit, en fait. Enfin, il l'emmène pour qu'ils aillent buter les trucs. Oui, ah oui, voilà, il l'amène, il sait, il commence à savoir où les mimiques, parce que c'est toujours pareil en fait, donc oui, où il les attaque et il tout. Il a la soluce. Et elle le regarde et elle comprend un truc et elle lui dit, retrouve-moi quand tu te réveilles. Explosion, il meurt. Ah, il se réveille. Il est super gentil avec le squad parce qu'ils espèrent aller chercher l'ange de Verdun. Et il fait un truc, il essaie de s'échapper, il se fait renverser par un camion, il se réveille. Il arrive à Deuxième tentative. Il arrive à passer sous les camions et il arrive enfin à voir l'ange de Verdun dans son endroit d'entraînement, qui est une espèce d'arène avec des mixeurs. Géant. Oui, c'est vrai que c'est un peu c'est ça. C'est un peu des mixeurs. Il y a une simulation de combat contre des mimiques avec des grosses, des gros hachoirs géants qui tournent de partout. Voilà. Donc elle est au milieu et elle fait une pose de yoga. Facile. Et lui, il lui dit, en fait, vous m'avez dit demain, je vous ai rencontré demain sur la plage, vous m'avez dit de vous retrouver. Elle dit, ah, suivez-moi. Ta ta ta ta ta, elle l'amène dans les coulisses. Elle lui dit, je sais qu'est-ce qui vous arrive, ça m'est arrivé moi aussi. Donc, c'était pas la première fois qu'elle portait l'armure à Verdun. Elle l'a fait plein de fois. j'avais ses pouvoirs, mais je l'ai perdu. Ouh, mystère. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes mort? Elle dit, ah, j'ai tué un poulpe bleu. Bah, il dit pas ça, mais bon. Elle dit, mais oui. Bleu. Oui, c'est pas. En gros, il découvre que c'est pas juste un mimique comme les autres, c'est un alpha et il a été recouvert de son sang. Et donc, à partir de là, à chaque fois qu'il meurt, il recommence la journée à zéro. Ils vont dans un truc souterrain et ils retrouvent un troisième personnage, que c'est le docteur Carter, qui est un physicien hyper ouf malade qui sait les seuls. Qui connaît la vérité sur l'ange de Verdun. Oui. Parce qu'elle a tout essayé et dans les différentes c'est journées. C'est le seul qui l'écoute. Qui l'écoute et qui ne l'a pas mis dans un asile psychiatrique ou l'a essayé de la. Oui, de faire des expériences sur elle. Voilà. Et sachant que le docteur Carter, c'est celui qui s'y connaît le mieux en biologie des mimiques. Quoi. C'est celui qui a fait le plus de recherches, mais qui a été mis au placard parce que personne n'y croit à ce qu'il raconte. Donc, il lui montre. Il lui dit, en gros, on voit ces aliens comme différents ennemis, mais en fait, c'est une entité unique. Il y a les mimiques, que c'est les griffes, disons. Oui, c'est les petites pattes au bout, quoi. Voilà. Après, il y a les alphas, donc les poulpes bleus, C'est ceux qui commandent un peu le terrain. Ils sont hyper rares. C'est 1 sur 6 millions de mimiques. Donc voilà. Et c'est les systèmes nerveux de l'ennemi. Après les mimiques, 6 millions, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et après, il y a une espèce d'énorme fleur à tentacules géants, que c'est les cerveaux qui contrôlent tout, et on l'appelle Oméga. Donc, c'est l'Oméga qui a la capacité de contrôler les temps. Quand un alpha, il meurt, il revient une journée en arrière, donc 24 heures en arrière, et l'alpha, il est à nouveau vivant, mais en plus, il garde les souvenirs de ce qui s'est passé. Donc, c'est un ennemi il maîtrise. Imbattable. Ah oui. Parce qu'ils savent exactement tout de ce qui s'est passé en amont. Mais la faille, disons, c'est que si tu es couvert de son sang, toi aussi, tu recommences la journée. Donc, toi tu aussi, gagnes le pouvoir de l'alpha, quoi. Enfin, de l'oméga. Voilà. Donc, elle dit... Tom Cruise, il est un peu... quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et tout, mon Dieu. Elle dit, en fait, il faut que tu t'entraînes. Et il faut que tu nous aides à sauver, à gagner cette guerre. Sinon, si on a passé... Moi, j'ai perdu les pouvoirs, elle dit. Toi, t'es le seul avec ses pouvoirs. Si tu nous aides pas, c'est foutu. On est... Et est-ce que c'est là qu'elle lui explique l'histoire des visions ? Je crois que c'est là. Il lui explique pas, mais les docteurs, il dit, il a déjà des visions. Oui. Et il dit, quoi, quelle vision et tout ? Si, c'est peut-être là. C'est ça, je crois. Ouais. Que justement, le docteur lui dit, en fait, l'objectif, en gros, c'est d'aller tuer l'Oméga. Parce que c'est comme ça qu'on peut arrêter, parce que c'est lui qui a tout le pouvoir. Et que, au bout d'un moment, à force de répéter la journée, son pouvoir devient plus fort à Tom Cruise. Et qu'à un moment, il va avoir des visions de l'Oméga, de là où il est, pour pouvoir aller le... C'est parce la connexion qu'ils ont. Ils ont une connexion mentale, quoi. Et aussi parce que l'Oméga, il appelle les alphas. C'est ça. Il sait qu'il y a eu un humain qui est rentré dans son système et il essaie de l'appeler pour... Là, l'objectif, c'est de buter l'humain qui a récupéré le pouvoir, quoi. Donc Amélie, l'ange de Verdun, dit « Tu dois avoir les visions, tu dois m'amener chez l'alpha, on doit, chez l'oméga, et on doit buter l'oméga, on a gagné la guerre. » Il dit « Mais moi, comment je vais faire? Je suis nulle, je ne sais même pas utiliser les squelettes. » Eh bien, on va s'entraîner. Elle l'amène à l'arène. Avec les hachoirs. Avec les mixeurs géants, les hachoirs géants. Il commence à l'entraînement. Au début, il se fait directement... percuté, il se retrouve paralysé avec la bouche qui bouge. Elle dit je pense que je me suis cassé les dos et tout. Elle dit attention, leçon numéro 1 en gros, si tu te retrouves paralysé sur le champ de bataille, tu dois trouver un moyen de mourir. Parce que la dernière fois, moi je me suis retrouvée à l'hôpital, ils m'ont fait une transfusion de sang et j'avais plus le pouvoir. C'est comme ça qu'elle a perdu le pouvoir. Voilà. Donc tu dois mourir. Elle prend un pistolet, bam. Bon, là, en gros, il se réveille, pistolet, coup de... Il meurt contre un mur, il meurt écrasé, il meurt de mille façons, il se réveille. Il se passe tout, en gros, tout l'entraînement comme ça. Oui. Et à un moment, on voit une vision. On voit une porte, un barrage et l'Oméga. Et Tom Cruise se réveille, il fait « Ah !» Donc, il va voir les docteurs Carter. À chaque fois, il doit leur expliquer. Oui, on s'est déjà vu, machin. Tu m'as déjà tout expliqué. J'ai vu Oméga. C'est un barrage dans une montagne. Il y avait un écriteau en allemand. Elle dit, bon, l'entraînement, c'est fini. On se voit demain. Mais comment on va savoir où c'est l'Oméga? T'inquiète. Toi, maintenant, ton objectif, c'est de nous faire sortir vivants de la guerre. Du champ de bataille de la plage, en fait. De la plage. Parce que là, il va falloir qu'ils aillent plus loin que la plage pour pouvoir aller sur le barrage. Et ils ont que les 24 heures, quoi, en fait, avant que ça se réinitialise. Oui. Donc, il se passe qu'on voit énormément de scènes de guerre où ils se font buter des mille et une façons. Très drôle. Mais ils avancent toujours un peu. Ils avancent. Journée sur journée, ils arrivent à un endroit, ils dépassent la guerre, disons, le front. Et ils se retrouvent à un endroit où il y a plein de voitures, il y a plein de mimiques aussi cachées. Et ils arrivent à prendre la voiture, à aller dans un espèce de ferme paumée. Et en gros, il y a un hélicoptère et ils doivent prendre l'hélicoptère pour aller... Pour aller jusqu'au barrage qui est en Autriche ou en Allemagne, je ne sais plus. Je ne sais plus, en Allemagne, je crois. En Allemagne. Enfin, dans une montagne allemande. Parce qu'entre-temps, le docteur Carter, il leur a dit oui, j'ai trouvé. Et donc, bizarre, il ne veut pas trop partir, Tom Cruise. Oui, ils sont dans la ferme et ils bricolent. Il boit un café, et... ouais, il y a du sucre, t'en veux trois, non ? Elle dit, on est déjà ici. Et elle dit, bon, on va pas coucher au coin du feu, il faut y aller, on n'a pas beaucoup de temps. Elle dit, non, mais en fait, ici, c'est les plus loin où tu peux jamais aller. Tu vas toujours mourir ici, on essaie tout, tu meurs, c'est que moi qui pars. Elle dit, ah, bah, on y va quand même. Et oui. Elle y va, elle meurt. Parce qu'elle, c'est un soldat. Oui, et en plus, voilà. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle va dire? Je rentre. Ah, bah non, on s'arrête là. Non. Donc elle, elle part, elle meurt, il meurt aussi, il se réveille, il décide de pas aller voir l'ange et de partir tout seul. Donc il fait tout en solo. Il fait tout en solo, il passe la guerre, il va à la ferme, l'hélicoptère, il va là au barrage, mais il y a pas d'Oméga. Merde. C'est un piège. Et non seulement ça, mais il y a un mimique qui le blesse pour le faire saigner, mais le tue pas. Et ouais. Il y a un Alpha qui le tue pas. Et qui attend juste qu'il perd son pouvoir. Et là, il comprend que c'était un piège des aliens. Il arrive quand même à s'échapper, à se noyer. Ouais, ça, c'est gore. Ça. C'est hyper gore, c'est horrible. Donc, il arrive à se noyer et... Il ne peut pas perdre trop de sang, donc il a encore le pouvoir. Il a encore le pouvoir. Il va voir le docteur Carter en disant « L'Oméga n'était pas là, c'était jamais là. Il nous attendait, c'était un piège. Les visions sont des pièges. Et il voulait mon sang, blablabla. » Donc, ils disent « On n'a aucun moyen de retrouver cet Oméga. » Et l'ange de Verdun dit « Mais les transpondeurs. » Et le docteur Carter dit « Non, c'est trop gras, c'est trop difficile, ça, cet objet. » C'est pas sûr que ça marche. Ça marchera pas. Et en plus, j'en ai pas ici. Oui. Il faut aller le récupérer à Whitehall, donc les QG. Le QG de l'UDF. Où il y a les générales. Oui. Et est-ce que c'est là où elle explique que la bataille de Verdun, en gros, si elle l'a gagnée, c'est parce que l'Oméga l'a laissé gagner ? C'est au tout début. En gros, elle... Mais non, mais en gros, c'est là qu'elle explique qu'effectivement, tu as l'impression de savoir. Ce que fait faire l'Oméga, mais en fait c'est lui qui te fait, et si tu gagnes c'est l'Oméga qui te laisse gagner quoi, justement parce qu'il a un plan à plus long terme. Oui, parce que lui en fait, en gros, il espère que les humains, ils croient qu'ils vont gagner pour pouvoir tous les détruire, qu'ils mettent tous leurs moyens dans l'opération Crépuscule, donc à la plage et des fois. Et donc c'est pour ça, c'est parce que c'est pas la première fois que l'Oméga il fait un piège aux humains, en gros. Oui, faut dire qu'il est très malin. Même si c'est juste un plat de spaghetti carbonara, quoi. Non, l'Oméga, c'est la fleur. On dirait un peu un spaghetti avec un œuf, tu sais, dessus. T'avais faim quand t'as vu le film ? Bah, peut-être, en fait. Je m'en rends compte. Avec la boulette au milieu. Ouais, tu vois. Je sais pas, ça faisait spaghetti. Enfin, c'était très thème spaghetti, hein, pour moi. Donc, ils décident d'aller voler les transpondeurs au général. Ils essayent de mille et une façons. Tant qu'ils arrivent à échapper à tous les pièges, il arrive chez les générales et il essaie de le convaincre. Qui dit je sais si, je sais ça. Il connaît. Oui, il dit tout à l'avance. Tous. Et donc, les généraux commencent à comprendre qu'il y a un truc chelou. Il sait qui va appeler, à quel moment, la secrétaire, machin truc. Il le convainc. Le général ouvre le coffre-fort. Il lui donne les transpondeurs. Mais eux, ils partent trop contents. Et il y a plein de militaires qui l'attendent. Le général, en gros, il dit arrêtez-les. Comme d'hab, ce général. Ouais. Et donc, il les arrête. Il y a une explosion. Il arrive à se... Oui, c'est ça. Il s'injecte avant les transpondeurs, là. Et il arrive à voir où c'est l'Oméga. Et il voit une pyramide en verre. Mais c'est un Louvre. À côté d'une tour Eiffel écrasée. Voilà. Ben oui, l'Oméga, il est parti voir la Joconde. Tourisme à Paris. Après... Paris, ça n'a pas l'air d'être méga cool, là, cette période. Ouais, elle est méga... En fait, elle est sous l'eau, c'est rasé, voilà. Ah, tu dis, la tour Eiffel est cassée, la pyramide, c'est le seul truc qui tient. La pyramide est restée. Ouais. Donc, c'est au Louvre. Et donc, il le sait. Mais là, les militaires, ils arrivent, explosion, ils s'écrasent, ils se réveillent à l'hôpital en train de faire une transfusion de sang. Merde. Mais bon, il a l'info, c'est déjà pas mal. Il a l'info. Et il ne sait pas si Emily Blunt, c'est l'ange de Verdun, est vivant ou mort, parce qu'à l'accident, elle était évanouie. Mais non, elle est vivante, elle arrive, elle le sauve. Elle est en train de le tuer, parce qu'elle veut recommencer la journée à zéro, et top que je dis, oh non, non, non. J'ai fait une transfusion de sang, c'est mort. Ok, d'accord. Donc, on sait où c'est l'Oméga. On a 3 heures avant le lendemain, et il faut le tuer d'ici demain. Ouais. Et puis alors là, on n'a plus de vie, quoi. Et voilà, on n'a plus de vie. C'est ton dernier niveau de Mario, t'as plus de champignons. Voilà. Donc, par contre, en 3 heures, il nous faut un avion et il nous faut des soldats pour nous aider parce que tout seul, on ne va pas y aller. Et qui on va appeler ? La G-Squad ! La Squad G ! Donc, Tom Cruise, il va, il parle, il dit « Je veux convaincre, je connais tous, je vous connais tous, blablabla, toi t'es ci, toi t'es ça, toi t'es ça. » Il dit « il connaît des trucs que je n'aurais jamais dit à personne. » Et il dit « Mais nous, on ne te connaît pas, on ne te suivra jamais. » Ben, vous suivrez pas peut-être moi, mais vous suivrez peut-être l'ange de Verdun. Full metal bitch. Ok. Donc, ils partent tous ensemble. Ils trouvent un avion. Ils partent vers Paris. Et l'avion, il se fait exploser déjà. Donc, il y a déjà deux sont morts de l'escouade. Je sais pas pourquoi ils sont venus. Ouais. Ils tombent. Il y en a trois qui restent avec eux. Un est blessé. Il y a les mimiques qui arrivent pour les attaquer. Il y en a beaucoup, comme d'hab. Quoi. Des dizaines. Ils doivent faire répartir l'avion pour arriver jusqu'au Louvre. Donc ils essayent, ils arrivent, ils sont trois sur l'avion. Donc Tom Cruise, un linge et un Ford, le troisième. Et deux, ils restent à terre, ils décident de se sacrifier. Ils font méga explosion pour tuer quelques mimiques. L'avion est réparé, il arrive au Louvre, il s'écrase dans la pyramide. Ça, ils sont amusés à faire ça. il n'y a plus trop de temps. Ford, il s'est fait buter entre temps. Oh oui, il s'est fait buter vite, même. Avant l'écrasement. Donc, ils restent tous les deux. Emily Blunt, il dit, on va pas s'en sortir, on va mourir ici, c'est pas grave. J'aurais bien aimé te rencontrer mieux. Un bisou d'amour, enfin, après 2 heures qui s'est On en reparlera du bisou. Bah ouais. Donc, elle va d'un côté parce qu'il y a un alpha qui arrive pour défendre. Elle va faire une déviation. Donc, elle va vers l'alpha, mais elle peut pas le tuer, l'alpha. Parce que si elle tue l'alpha. Ça redémarre. Donc, et c'est foutu pour eux. Donc, elle doit se sacrifier. Donc, elle se sacrifie. Tom Cruise, elle donne à Tom Cruise une ceinture de grenades. Voilà, une ceinture de grenades. Tom Cruise tombe à l'eau, il voit l'Oméga, il a la ceinture de grenades. Il descend vers la boulette. Il va vers la boulette de spaghetti. À l'aide de viande. Et l'alpha le suit. Il le perce, je sais pas comment dire, il le transperce avec un tentacule. La ceinture des grenades tombe vers Omega et Tom Cruise retourne mort, mais il a tous les goupilles des grenades. Donc là aussi, on voit l'explosion. Tous les mimiques dans le monde, une espèce de truc énergétique des ouf malades. C'est quelqu'un éteint la lumière partout, tout d'un coup. Tous les mimiques tombent au même temps. L'alpha meurt, l'oméga meurt. Et là, le sang d'oméga entoure Tom Cruise. Dans l'eau, là, ça fait un truc un peu fluo. Ses yeux deviennent tout noirs et... Ah non, il se réveille. Mais il n'est pas sur l'état des sacs. Il est dans l'hélicoptère, endormi. Ouais. Il arrive au QG. À Whitehall. QG. Et il entend à la télé, on a gagné enfin une décharge énergétique incroyable provenant de Paris, a rendu tous les aliens inopérants. Donc il est très content. Il marche, il marche, il marche, il marche. Et il va où ? Il va à l'arène des mixeurs géants et il va voir Emily Blunt qui... elle est en train de faire son yoga du début et elle dit quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai quelque chose sur mon visage ? Et lui dit rien. Il sourit avec les larmes aux yeux. Voilà. Tan, tan, tan, fin du film. Bah, bravo. Et bah, merci. On se fait un petit extrait de training. C'est le moment de l'entraînement avec les mixeurs. Donc dès le premier moment jusqu'à la fin, plus ou moins. Les mixeurs vont super vite. Les mixeurs sont pas commodes. Il essaie de tirer des sous, mais c'est mort. Il est pas bon. Et même quand il se déplace, il galère à fond, quoi. Et Emily Blunt le regarde vraiment avec mépris. Ça va être long, quoi. Donc là, il est au sol. Hein. Bah, elle arrive. Elle va lui montrer un peu comment faire. Elle fait des petites glissades. Ouais, et elle a un putain d'épée des ouf malade. Ouais, un gros sabre. Et moi, j'adore, c'est les glissades qu'elle fait. Ouais, blam. Bon, là, Tom Cruise se fait jeter contre un mur. Ça va, Cage ? I think I broke something. Il dit qu'il a cassé quelque chose, donc son dos. et qui s'inquiète ses lèvres. C'est trop bizarre parce qu'il a une tête trop rigolote. Il joue bien ça. Donc c'est là qu'elle lui explique qu'il faut pas qu'il, enfin qu'il faut qu'il meure direct. Quoi. Faut pas laisser traîner, faut pas perdre de sang, faut ouais. pas d'être transfusion. Maintenant. Donc voilà, elle était blessée. Et c'est pas mal parce que lui, il est quand même dans sa pose chelou avec la tête décotée, avec la bouche toute tordue, qui écoute ce truc hyper sérieux. C'est pas mal. Et qui voit pas ce qui va lui arriver surtout. Tu comprends? Il faudrait commencer. Elle lui tire des sauts. Et elle sort les pistolets, elle lui tire et des sauts. Il se réveille. Il se réveille toujours sans son sac. Donc on voit des extraits de son passage à chaque fois. Donc où d'abord il fait une feinte à son sergent pour s'échapper, pour aller s'entraîner. Et voilà, il va voir l'âge de Verdun. Et il explique les trucs qu'il lui a déjà expliqué. Entraînement. Allez, bam! Gros coup de tête. Elle est dépitée, Emily Blunt. C'est reparti. Il tire, mais non. Ah, il est pas bon. Hein. Il fait des vols en l'air. Il faut pas réfléchir. Il faut aller dans le temps presque. Il faut le planer. Il fume. Il essaie de la convaincre de pas le tuer. Ok, do it. Bah, ok, vas-y. Pistolet. Ça doit pas être très agréable quand même. Bah. Ah, il a évité un mimique là. Ah, c'est pas mal, ça s'améliore là. On est mieux, on est mieux. Il essaie de arrêter le. Il a une idée. Ah, c'est quoi cette idée? Tu vas voir, une idée. Très bonne idée. Ok. Dis, c'est dans le sang, est-ce qu'on peut le transférer quoi, en gros? Mais elle a déjà tout essayé, ouais. On peut pas. Non, on peut pas. Peut-être une autre idée du coup. Il fait une espèce de mimique du sexe avec cette armure. Avec ses exosquelettes. Oh, you mean sex? Yeah, tried it. Elle s'en fout, elle dit ah oui, le sexe, ouais, j'ai essayé, mais ça marche pas. Bam! Et elle lui jette le mixeur sur la tronche pour le tuer. Allez, oublie ça. Ah, il se fait écraser contre un mur. Bam! Allez, vol plané. Encore. Ah! Il meurt. Est-ce qu'à chaque fois elle le tue? Mais je sais pas, c'est vrai. C'est une séance ça. Ah, c'est à chaque fois le tue, hein. Bah là, il meurt hein, quand il va contre le mur. Là ça va. Non. Non, ça va pas. Dès qu'il est blessé en fait elle le tue. Et là voilà. Bon. Ah, tout le monde le tue. Ça va, oui, je suis toujours un peu cassé. Mais je sens mes petits doigts. Ah non. Là je te merde, n'a pas de pitié. Ah non. Bam. Elle est pas là pour la déconne. Et voilà, et c'est la fin de l'entraînement. Ouais. Un entraînement express, ou combien de jours ils ont passé sur cet entraînement? En vrai, on ne sait pas. On ne sait pas. J'ai essayé de compter les jours au début, mais en fait, il y en a plein qui passent qu'on ne voit pas. Tu ne sais pas, ouais. Moi, j'ai trouvé, ils disent que filmé, on voit techniquement 26 ou 27 reboots. Mais il y en a forcément plus, parce qu'à un moment, elle a dit qu'elle a vu quelqu'un mourir 300 fois. Donc quand elle avait le pouvoir, elle l'a au moins fait 300 fois. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. Et avec l'entraînement, tout ça. Et puis pour qu'il soit aussi fort à la bagarre et tout ça, et il a dû passer un bon moment. Ouais, même quand ils vont voler les trucs au général, tu vois pas les journées défiler, tu vois juste la dernière journée. Oui, c'est ça, tu vois la dernière tentative. Ah, et tu vois qu'à chaque fois, il dit « Ah, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait. » Voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Pauline? Qu'est-ce qu'on a pensé du film? Moi, j'ai bien aimé. J'avais déjà bien aimé avant. J'étais content de le revoir parce que j'avais un mix d'appréhension en me disant « Ah, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça se trouve, c'est pas si fantastique que ça. » Parce que quand je l'avais vu à l'époque, c'était un peu original. Enfin, il y avait un truc assez chouette, tu vois, dans la science-fiction. Il a quand même un truc qui est très drôle, ce film, c'est que c'est le meilleur film d'adaptation de jeu vidéo qui n'est pas une adaptation de jeu vidéo, en fait. Ah ouais, c'est vrai. Il y a toujours eu des tentatives d'adapter au cinéma des jeux vidéo, mais ça marche très rarement, voire jamais, je pense. Enfin, je sais pas. Il y a toujours ce fantasme de dire on peut adapter des jeux vidéo au cinéma, ce qui ne marche pas terrible. Et là, ce n'est pas une adaptation, mais c'est un film qui a compris les codes du jeu vidéo. Tu sais, de, tu fais une partie, tu recommences, tu meurs, mais bon, comme t'as appris comment passer ce niveau-là, ok, tu le passes. Ah, et ça va, c'est une très bonne. Ouais, Doug Liman le disait en interview, il disait ouais, que c'était intéressant. Et en fait, il a capté un peu ce truc, tu vois, de ces trucs tout cons, mais quand il essaie de s'échapper, quand il fait les pompes avec son sergent. Et il essaye de s'échapper. La première fois, il se fait écraser par le camion parce qu'il y a un problème de timing. Et tu vois qu'il a dû le refaire 2-3 fois et qu'il a réussi à trouver le timing, quoi. Ouais, c'est pareil quand t'es au jeu vidéo avec Mario et que tu essaies de faire un saut, tu dis, ah non, c'est pas ce timing-là, faut que je le refasse. Et t'essayes 2, 3, 4 fois. Et je trouve que c'est assez rigolo, en fait, d'avoir trouvé comment faire ces deux trucs-là. Trop bien. Sachant qu'à la base, c'est une nouvelle, un roman, enfin, une nouvelle. Écrit par Hiroshi Sakurazaka, qui est un auteur japonais qui fait plein d'histoires de science-fiction. Et du coup, quand je fais une petite rapide explication de la prod. Oui, en gros, oui, cette nouvelle a été écrite, traduite et tout ça, machin. Et très rapidement, il y a des studios qui ont acheté les droits. Mm. Ils ont acheté les droits et ils ont demandé à un auteur qui s'appelle... comment il s'appelle ? Dante Harper. Ils lui ont demandé d'écrire un scénario pour le cinéma qui a été acheté plus de 1 million de dollars quand même. Ah ouais ? Scénario que... Et ça pendant des années, ça faisait partie des scripts qui traînaient à Hollywood où tout le monde avait vraiment envie de voir ce film. Ah ouais. Mais ça a mis du temps et tout ça machin. Là. Au bout d'un moment, je sais plus, c'est Warner Bros. Je crois qui lance la prod. Et ça part chez des scénaristes. Je sais plus qui. Enfin, bon, il envoie un scénariste finalement qui est remplacé par deux personnes qui s'appellent Butterworth. Enfin, des frères et sœurs, ou je sais pas. Et au final, ça part en prod, tout ça. Doug Liman est embauché. Et il y a Tom Cruise est embauché. Et qui c'est qui arrive dans l'équation ? Christopher McQuarrie. C'est vrai ? Ouais, qui arrive pour aider les scénaristes à finir le film. Oh. Parce que, en gros, quelques mois avant le démarrage du tournage, ils avaient toujours pas fini d'écrire le script, quoi. Mais c'était déjà parti en prod. Et Christopher, il est partout. Bah, dès qu'il y a Tom Cruise, maintenant, il y a Christopher, ouais, il est pas loin. C'est, hein. C'est son cri d'amour, hein, je pense. Waouh, trop bien. Et du coup, c'est McQuarrie, notamment, qui a donné la teinte un peu humoristique et qui a notamment aidé pour écrire sur la fin qu'ils n'arrivaient pas à écrire correctement, quoi. Trop bien. Et c'est. Enfin, je lisais. Après, c'est des anecdotes. Hein. Mais qu'en gros, le côté un peu humoristique qu'il y a dans ce film, c'est Tom Cruise qui l'a voulu. Qui a dit à McQuarrie, il a dit, mais il y a un truc trop cool en fait à faire, parce qu'il dit, c'est comme Bibi et Coyote, quoi. C'est comme le Coyote. Grave. Il dit, tu peux faire mourir un personnage plein de fois, faut au moins que ce soit un peu drôle, sinon c'est glauque, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces enchaînements un peu gaguesques, et que finalement, c'est un film qui a quand même beaucoup d'humour dans le truc. Ah ben, c'est trop bien, moi, voilà. Je trouve. Du coup, ça, c'est l'histoire un petit peu de la prod de Interesting. Et toi, du coup, ton avis sur ce film ? Moi, j'aime bien les films dès la journée qui recommence. Mais oui. Souvent, ça, tu vois, il y en genre, a des milliers, des comédies. Un jour sans fin. Ouais, voilà, il y en a des milliers. Mais ce qui m'embête un peu souvent, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est un truc qui arrive comme ça. On ne sait pas. Et après, ça s'arrête, mais on ne sait pas. Tu vois, et ces trucs-là, ça m'a toujours... Ça me saoule. Ouais, bah après, c'est une excuse scénaristique pour dire ce personnage, on va le mettre dans une boucle pour qu'il évolue. Oui, voilà. Mais s'il n'y a pas de raison à la base, moi, ça me saoule. Ah, okay. Et là, je trouve que c'est hyper bien fait. C'est trop bien fait que ce soit dans les films d'action, déjà. Et j'adore. Oui, puis avec les extraterrestres, ça explique le côté magique. Oui, et en plus, voilà, t'as quand même la crainte de perdre ses pouvoirs. Tu fais quelque chose quand même... Oui, voilà, et la boucle est un enjeu. C'est pas juste le moyen de faire avancer le récit. C'est un enjeu dans le récit, en fait. Mais carrément. Ouais. Et je trouve ça, ça me plaît beaucoup. Et j'aime bien le duo. Ouais. J'adore Emily Blunt. Déjà, je trouve qu'elle est une sacrée comédienne. Mais je trouve que leur chimie, elle marche super bien. Ouais. Ils sont tous les deux trop drôles. Ils sont pas drôles en soi, mais duo comique. Enfin, les duos sont vraiment le duo marche bien. Donc j'aime vraiment et j'adore le scénario alien hyper développé, les trucs de l'organisme, je trouve ça assez brillant. Je sais pas, même les aliens, je les trouve jolis. Ils m'ont ça rappelle l'Italie, ça les spaghettis. C'est les spaghettis à langue de chat, je pense que c'est ça, hein, à mon avis. C'est la famille. Oui, peut-être. Mais je trouve qu'ils sont pas Ils ont pas mal vieilli pour l'instant. Non, ouais, c'est vrai. Non, ça, les effets spéciaux marchent bien. Et puis, il y a un côté, c'est une masse, quoi. Et c'est un truc... ouais. Bah, ils ont vachement joué ce truc-là, quand même. Tu vois, notamment le fait de faire la grosse scène de guerre qui revient régulièrement, c'est sur une plage. Enfin, il y a le côté l'invasion et le truc un peu gore, quoi. Ouais. C'est la chair à canon et ça s'arrête pas. C'est un truc sans fin. Et puis que bah, ces espèces de tentacules, en fait, ils se ressemblent tous et c'est un flow ouais. continu. Ça fait ouais, vraiment, c'est le débarquement et tout ça, les trucs. Mais grave, et même les morts débiles. Oui. En fait, ah bah oui. C'est pas quelque chose que tu dis, ah, la guerre, trop bien et tout. En fait, tu vois vraiment les renversements. Il y a tous les soldats qui font trop les fiers, qui sont là, ouais, on va tout déchirer. Et en fait, ils meurent des mille façons, très vite, mais des façons pas héroïques. Et oui, et oui parce que c'est ça, c'est un champ de bataille, quoi. C'est pas de l'amour. Hein. Et c'est ça aussi qui est vachement intéressant. Par rapport au passé des Tom Cruise, que je veux dire, par rapport à la guerre, il en a fait un truc très mythique. Oui, là c'est nul. Hein. Là c'est nul et c'est bien. Puis en plus ils font que perdre parce que c'est vraiment c'est une armée mais alors c'est bricolage quoi. C'est, on prend tous les gars qui traînent parce qu'il faut qu'on ait du monde, faut faire de la masse. Ouais. Et c'est la stratégie des aliens de dire bon, en fait envoyez tout. Ouais. Et nous de toute façon dès que ça nous va pas on redémarre et puis. D'accord. Ah, c'est balèze. Ouais, et c'est super bien écrit et voilà c'est bien aussi écrit. Parce que les journées qui s'enchaînent, je trouve qu'ils font les bons. Il y a les bons quotas, tu vois. Tu ne revois pas toute la journée pareil. Tu vois, le découpage est vachement bien. Enfin, découpage et montage, les deux marchent bien, quoi. Vraiment, ouais. Tu sens que. Mais après, c'est Doug Liman, du coup, le réalisateur qui avait fait la mémoire dans la peau, le mort dans la peau. Le premier Bourne. Et qui était. Il avait fait ça, Mr. and Mrs. Smith. J'ai vu ça. Enfin, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu qu'il a fait. Je me disais, il est capable de trouver des bonnes chimies entre les comédiens. Bah, apparemment, après, c'est un réalisateur à Hollywood où tout le monde dit, oh, le mec, il fait ça bien, tu vois. Ouais, c'est encore un bon faiseur de films, quoi. Ouais. Et effectivement, tu regardes, tu dis, ouais, ça marche bien, quoi. Ouais. C'est bien monté, c'est bien réalisé. Super. Et bravo, Doug. Doug qu'on reverra normalement dans la carrière de Tom Cruise. Ah bon? Ouais. Ah, dans quoi? On le revoit. Alors. On le reverra normalement, je crois que c'est dans American Made, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord, ok. Et là, ils sont, parce que très rapidement après que Edge of Tomorrow est sorti et a marché, ou pas, on en parlera plus, je vais pas spoiler, les rubriques. Spoil pas. Ils sont très rapidement mis en chantier de dire on en refera un autre. Ah, mais oui, c'est vrai qu'ils vont faire Bon, après, il y a qui va sortir. Qui n'est pas parti en tournage encore, parce qu'en fait, après, il fallait que Doug Liman, Emily Blunt et Tom Cruise soient dispo. Ciao. Après, il fallait qu'il n'y ait pas de crise du Covid. Et, ouais. Et après, qu'il soit dispo. Et comme Tom Cruise, depuis le Covid, en fait, il est sur Mission Impossible à fond. Déjà, rien que ça, c'est compliqué. Il y a le truc dans l'espace. Ah là là, mais il a encore plein de films, c'est ouf. Bah, non, pas tant que ça, en fait. Il y a les deux Missions Impossibles, il y a le truc dans l'espace et le Edge of Tomorrow 2, quoi. Ok. C'est les seuls films qu'il y a en cours officiellement, quoi. Ok. Et je pense pas qu'il ait envie de faire d'autres. Pour l'instant, il fait ses trucs, il va au bout, il fait ses cascades de Maboule dans Mission Impossible. C'est clair. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce film? Sur ce film? Non, c'est super. Ouais. Bon, moi j'ai un truc à dire, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. C'est sur le bisou, mais je pense qu'on en parlera. Ah ben vas-y. Bah le bisou, pour moi c'est le truc qui marche pas quoi du film. Ah ouais. Ah bah ouais. Bah en fait, alors bon, je comprends, c'est un peu le prérequis obligatoire des films hollywoodiens, tu vois. Mm. Il faut un bisou. Sauf que techniquement, elle le connaît même pas depuis 24 heures. Oui. Lui, il la connaît depuis des années, en fait. Oui. Donc, effectivement, tu pourrais te dire, lui, il a envie, il est amoureux d'elle, il a envie d'aller l'embrasser. Un peu, c'est elle qui l'embrasse. Ce qui est bien, c'est qu'il le fait pas, parce que sinon, ça aurait fait vraiment creepy. Maintenant, comment ça se fait que elle, alors qu'en plus, on nous l'a défini depuis le début, c'est un super personnage qui est vraiment bien écrit. Moi, je trouve, sauf à ce moment-là, parce que on nous l'a défini, c'est un soldat. Donc, en fait, elle va faire le truc à fond, elle a beaucoup de respect pour lui, parce qu'elle sait par quoi il est passé, et parce qu'elle, elle y est déjà passée, etc. Mais pourquoi au moment le plus tendu du truc, elle va aller l'embrasser alors qu'elle le connaît même pas depuis 24 heures et qu'elle est en pleine mission où chaque seconde compte, quoi. C'est vrai. Tu vois. Je suis vraiment au public lambda. Enfin, les bisous. Oui, mais en même temps. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Justement, et parce que c'est ça qui est dans la dernière scène et sympa, c'est qu'en fait, il va la revoir parce que lui, bah, il a tous ses souvenirs. Elle en a aucun. Non, ouais. Et en fait, rien que de la revoir, de voir qu'elle est en vie et puis qu'elle est toujours la même, ça lui fait une petite émotion. Ça, je trouve, c'est sympa, tu vois. Ça, c'est hyper beau. Ça suffit. Le bisou, pour moi, c'est vraiment juste le passage imposé qui vraiment ils l'ont rentré aux chausse-pieds. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors après, il y a des anecdotes qui traînent. Alors ça sent la fake anecdote à fond. C'est quoi ? C'est que c'était une impro de Emily Blunt pendant la scène. Ah bon ? Ouais. Et là, tu fais bon, alors, n'importe quelle anecdote de merde. Ou elle aurait dit genre à ce moment-là pour le personnage, c'est ça qu'elle doit faire. Alors que non, pour la peine, s'il y a bien un truc qu'elle doit pas faire à ce moment-là. C'est d'aller embrasser Tom Cruise qu'elle connaît pas depuis plus de 24 heures. Donc Oui, après, disons que tu es en train de mourir. Lui, tu sais qu'il va mourir. Bon, ouais, mais t'as vu comme elle est définie qu'elle s'en fout complètement en fait de ça. Le romantisme, c'est pas qu'elle s'en fout, c'est qu'elle est. Elle est pas là pour ça. De toute façon. Et... Ouais, puis même elle est pas là pour ça, quoi. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, clairement, elle est là pour casser des bouches. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est bon, vrai, le bisou, tu vois, je suis pas. C'est le point noir. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, qu'est-ce qu'on a à dire ? Est-ce que je regarde si j'ai des anecdotes un peu rigolotes quand même ? Parce que. On sait jamais. Hein. Parce qu'après, sinon, on enchaîne direct avec les Oscars. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Eh oui, les Oscars. Eh oui ! Alors, ce film n'a pas eu d'Oscar, n'a pas eu de nomination pour les Oscars. Mal. Il y a des gens dans même ce pas film. Les montages. Mais non. Ça aurait bien été, c'est vrai. Bah ouais, c'est pas le montage. Alors après, film qui a pas trop marché aux États-Unis. Ah bon ? Eh oui. Ah, nul. Et ça fait partie, là on est sur une spirale depuis la Guerre des Mondes et donc tout, la Scientologie, tout ça. À part Mission Impossible, il n'y a rien qui fait plus de 100 millions aux États-Unis pour Tom Cruise. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Un peu une barrière pour dire, alors que normalement... voilà. Celui-là, il doit faire 101 ou 102 millions qu'aux États-Unis. Donc ça revient un peu, mais c'est considéré comme un échec si tu fais pas 100 millions aux États-Unis avec Tom Cruise dans le truc. Je suis très déçu. Ouais. Mais bon, on verra les chiffres plus tard. Mais les Oscars, il y a quand même deux personnes dans l'équipe de ce film qui ont déjà eu des Oscars. J'arrive pas. Toujours pas ? Je sais pas. Ah, mince. Eh ben. Christopher McQuarrie. Bah oui. Toujours avec son petit Oscar fois, de Usual Suspect, mais faut que tu y penses parce que là, ça va être tous non, les films. C'est vrai, c'est vrai. Et un autre qu'on a déjà croisé un peu plus tôt dans je sais plus quel film d'ailleurs, qui est. Je te le dis parce que bon, tu t'en rappelles, c'est le directeur photo, c'est Diane Beebe. Ah. Voilà, qui a eu un Oscar pour Mémoire d'une geisha. Ah oui. Voilà, c'est parce que tu te rappelles, c'était je sais plus quel film d'ailleurs. Je retrouverai si ça me dit un truc. Voilà. Ouais. C'est vrai, la photo, on en a pas trop parlé, mais ça m'a pas. Moi, je suis pas fan. Moi non plus. Il y a un côté. Autant j'aime bien les costumes, enfin le design des exosquelettes, je trouve qu'il est cool. En plus, ils ont vraiment bossé le truc en mode, on s'est renseigné sur où en était la recherche technologique pour trouver quelque chose à peu près correct, le faire un peu crado mais pas trop, mais que ça reste logique. Ils en ont fait une centaine de trucs comme ça. Ah ouais. Qui portaient toute la journée. Waouh. Ça faisait, j'avais noté, ça faisait entre 39 et 59 kilos le bordel. Putain, mais du coup, c'était vraiment automatisé. Ouais. Ouais. Ah ouais, quand il court, du coup, c'est ça qui est cool parce que ça donne vraiment des trucs un peu chelous. Oui, et ça donne. Tom Cruise a été beaucoup avec l'équipe technique pendant quand il faisait les recherches pour trouver comment ils allaient s'en servir après, tu vois. Est-ce qu'il pouvait faire une démarche un peu de merde, une bonne démarche, les trucs des glissades. Enfin, ils cherchaient plein de trucs. Après, pendant les scènes d'action, ils avaient des fils partout pour pouvoir bouger. Ah ouais, quoi. Sinon, ça va faire. C'est 4 kilos. Ça, c'est un super taf, ce truc-là. Ah ouais, c'est clair. Et même, je trouve que c'est cool parce qu'ils n'ont pas fait la version féminine, un truc mais sexy. Oui, oui, oui. Et pour les coups, c'est vraiment bien. Ah bah oui, là, ils sont tous pareils. Oui, là, tu vois, c'est vrai que c'est un film où t'as pas une portée féministe, t'as pas une portée sexiste non plus. C'est vraiment juste, ils sont tous là, quoi. Oui, voilà. Et puis, ils ont tous des trucs de merde et chacun fait ce qu'il peut, quoi. C'est que de la viande, tout le reste. Donc, ça, c'était les Oscars. Les sous-sous. Ah, ça coûtait cher. Y a du monde, ça a duré longtemps. La plage, la scène à la plage. Et la plage, c'était, en gros, ils avaient pendant 3 mois un lieu de tournage. Où ils en ont fait des tonnes et des tonnes. Alors, il y avait du fond vert pour incruster de la plage. Mais quel bordel. Après, bon, 178 millions de dollars. Oh, quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est donc, il a perdu de l'argent ou il a fait 5 millions de plus ? Alors, il a fait 100 millions aux États-Unis. Mais rappelle-toi que dans le monde, Tom Cruise, ça marche. Et en total, ils ont fait 371 millions. Ah, ça va. Ouais, tu rapportes deux fois la mise. Oui. Pour point de comparaison, le dernier Mission Impossible, 145 millions de budget. Waouh, plus que Mission Impossible. Ouais. Et même avec tout après, le monde. Tournage quand même méga long, beaucoup de FX, beaucoup de cascades, de costumes, de trucs. Non, mais c'est clair. L'ASF, hein, c'est compliqué de faire ça pas cher. Hein. Ouais, c'est sûr. À moins d'avoir la petite idée sympa et rigolote. Trop bien. Et Tom Cruise n'a pas eu d'Oscar. Non. Il a eu des sous-sous. J'ai pas trouvé son salaire, mais il a eu des sous-sous. Ouais, a priori. C'est sûr. C'est et qu'est-ce qu'on en a pensé de Tommy? Moi, j'adorais. Non, mais j'adore les côtés. Il est lâche, presque du début à la fin. Et on voit les changements petit à petit, mais il ne devient pas non plus. Il est quand même un peu pourri. Comme, oui, il est obligé de faire ça, notamment par elle, qui est la vraie. Oui, héros, elle est forte. Elle est forte, mais lui, vraiment, il est lâche, il veut pas mourir, il essaie tout le temps de s'échapper ou de survivre ou de transférer les puissants de pouvoir. Je trouve qu'il marche bien comme publicitaire, mais bien sûr. Ah, oui. Mais bien sûr que c'est un top, hein, publicité. Donc les publicitaires lâches du début, je les trouve adorés. C'est fantastique. Et après, la transformation aussi, je la trouve cool. Et même sur la fin, où il pourrait vraiment devenir un héros, tu le sens paumé. Ouais, et j'aime bien. Tu vois que même jusqu'au bout, il hésite parce que, en gros, c'est parce que elle l'aide. Ouais. Et puis vraiment jusqu'au bout, c'est genre quand ils sont obligés de se séparer à la fin, tu sens qu'il fait ah putain, mais je sais toujours pas si je suis capable de faire ce genre de truc. Ouais. Quoi. Ouais. Mais ça, c'est la bonne trouvaille, c'est vraiment d'avoir écrit comme ça ce personnage, quoi. Ouais. De pas avoir fait dès le début, c'est un super soldat machin. C'est vraiment le mec qui veut tout sauf faire ça, quoi. Oui. Ouais, presque s'il y a un gars qu'il fallait pas mettre dans cette situation, c'était lui, quoi. Oui. Et en plus, il s'amuse, du coup, Tom Cruise, avec ce rôle-là, parce que ça donne des situations au début, c'est hyper drôle, du coup. Ouais. Et il fait presque un rôle comique, quand même. Oui, carrément. Pour la meilleure moitié du film, c'est très drôle, quoi. Oui, carrément. Et je trouve qu'à la fin, les sourires, les fameux sourires de la fin aux larmes, je le trouve hyper touchant. Ouais. Aussi de le voir, tu vois, pas les Playboy et machin, mais d'être dans un truc que tu sens qu'il a retrouvé quelqu'un à qui il tenait beaucoup. Putain, ça m'émeut, mais je le trouve vraiment. Mais t'as juste ce truc quand ils sont dans la ferme aussi, où en gros, il veut plus qu'on aille plus loin, il veut juste rester dans la ferme parce qu'il veut pas qu'elle meure, alors qu'en même temps, il sait qu'elle va mourir. Ouais. Du coup, il lui fait le café, machin. Et tu vois que là, c'est son truc, le côté lâche. Part parce que là c'est le côté bon, il devient plus attentionné, il veut toujours pas aller faire la guerre parce qu'il sait qu'il est pas bon, et puis que en plus t'as ce truc de il veut pas aller plus loin parce que il sait qu'à ce moment là elle meurt et que s'il allait pas là en fait il va galérer, quoi. Bah oui, bien sûr, parce que... et en plus c'est pas tant, en tout cas là comment elle s'est montrée à mon sens, c'est pas tant parce qu'il l'aime d'un amour sexuel, c'est aussi parce qu'il est attaché à cette personne qui c'est la seule qui croit, qui comprend sa situation. Et c'est la seule qui peut l'aider et qui peut l'emmener plus loin. Il sait qu'il ne peut pas aller plus loin. Après, il y a une tendresse parce qu'on comprend qu'en fait, au fur et à mesure, il la découvre et du coup, il s'y attache parce que c'est la seule personne à qui côtoie. Ouais, donc vraiment, je trouve un bon personnage qui lui permet d'être Tom Cruise quand même Hollywood star, mais en même temps lui donne quand même une teinte. Ouais, il a plus de trucs à jouer que dans d'autres films, tu vois. Ouais, genre les Missions Impossibles où ça devient désormais c'est intouchable, ce personnage-là. Ouais, il devient hyper fort, hyper arrogant, même si lui tend un peu de conneries, mais voilà. Ouais, ça se joue plus trop sur lui, sur les Missions Impossibles. Tu vois que c'est plus ça trop qui l'intéresse. C'est l'équipe. Et puis on est encore sur un film là, Edge of Tomorrow, où cascade, full cascade. Mais grave. Et Emily Blunt aussi apparemment. Du coup, ils se sont chauffés tous les deux vachement sur ça, à se motiver l'un l'autre. C'est. Elle déchire, hein, franchement. Ouais. Bon, après, elle a fait entraînement, Krav Maga, yoga, enfin, ce truc à fond pendant 6 mois avant de démarrer. Hein, parce que là, t'as pas le choix, je crois. Bah, tu fais un film avec Tom Cruise, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est vrai. Il y a eu une anecdote qu'elle est, en fait, elle était sur. Il y a eu une autre partie de tournage où elle était enceinte. Ah bon? Oui. Ah ouais, sûr. Et du coup, mais c'était le tout début. Et en fait, elle disait, bah là, ce serait bien. Enfin, elle dit à personne qu'elle était enceinte parce que c'était avant les 3 mois, enfin tout ça. Puis elle voulait pas en parler à quelqu'un d'autre qu'avec son mari, quoi. Ouais. Et en gros, elle était emmerdée. Elle dit, bah là, sur les prochains moments de tournage, j'aimerais bien ne plus faire les cascades. Oula. Sauf que bon, ça avait commencé. Et Tom Cruise, ça le saoulait un peu qu'elle fasse pas les cascades. Du coup, elle a été lui dire, bah en fait, je suis enceinte, mais j'aimerais bien pas avoir de complications. Donc, est-ce qu'on peut, machin. Et donc, Tom Cruise l'a couvert. Pour anecdote de attention, faisons attention aux anecdotes, mais en gros, il a dû se dire ok, bon, bah là, on fait bah gaffe, oui, bien moi, sûr, les minimums normal. Non, tu fais quand même les cascades, meuf. Bah, ça pourrait, il pourrait. Et autre anecdote sur Tom Cruise, parce que ce garçon a l'air d'après les anecdotes fantastiques, il organise une fête de fin de tournage à $100,000. Oh, où il participe pas parce qu'en fait, il va retourner des trucs. C'est vrai. Et en même temps, ouais, ça lui ressemble un peu quand même. C'est pas mal. Bah, c'est vrai que moi, j'avais pas pensé, mais par rapport aux armures, ils ont dû faire un entraînement de malade quand même. Ah bah, tu as ça toute la journée, tu pètes un câble, quoi. Tout le temps. Waouh. Bah, en fait, ils mettaient une heure à la mettre, une heure à l'enlever. Donc. Waouh. Et c'est pour ça qu'il y avait des câbles un peu partout pour les soulager, tu vois. Genre, t'es en pause, tu prends ton café, tu mets les câbles et tu fais où? Mais le making-of hein, sur les costumes, enfin sur les exosquelettes, est hyper cool. Ah, regardez sur YouTube, tu vois, il y a des petits extraits. Bah, tu vois comment ils ont fait les glissades, les machins, et comment ils se sont amusés, et comment ils ont fait la recherche. Tu vois l'atelier où ils construisent toutes les parties des exosquelettes, c'est fantastique. Enfin, ah, pour ça, les films de science-fiction, c'est les making-of les plus fantastiques, parce que tu vois vraiment que du créatif et de l'artisanat, des petits machins. C'est que des bidouilles, c'est génial. Cool, trop bien. Eh bien, c'est les moments. C'est le moment. C'est le moment de quoi? C'est l'heure du cruiseomètre. Eh oui, le cruiseomètre. Ouais, c'est le moment. Oh, c'est le moment du cruiseomètre. C'est pas le moment qu'on. C'est un moment qu'on appréhende de plus en plus. Ah là là. On met une note entre 0 et 100. C'est les pourcentages. Ouais. Et ça nous permet plus ou moins de classer les films de Tom Cruise. Par ordre d'importance dans sa carrière, de lui, est-ce qu'il est bien dans le film, est-ce que le film est bon, ouais. C'est un peu compliqué. Mais je le regardais hier encore, notre classement, et c'est pas ça si va. Déconnant. Hein. Non, mais ça va, on s'en sort, mais chaque fois, après, c'est dur à faire. Ouais. Là, sur les derniers, ça va être. Oui, bah, il en reste plus beaucoup, donc on va tasser tout ça. Hein. Ouais. Donc, Paulin. T'as fait quoi, toi? Bah, moi, j'ai envie de donner beaucoup parce que j'aime beaucoup ce film et c'était ma redécouverte de Tom Cruise il y a un moment et après. C'est bon, ton Jack Reacher déjà... à toi. Bah, Jack Reacher, ça a augmenté un truc qui a commencé quand même avec Edge of Tomorrow où tu t'es dit, ah ouais, il fait pas que l'arrogant, je suis trop fort et tout, tu vois. Il est intéressant. Côté, il est hyper intéressant. Que j'aime bien, elle. J'aime bien qu'il y a enfin une femme qui, putain, déchire à côté. Oui, sans qu'on en fasse des caisses autour de ça. Hein. Non, en plus. C'est juste naturel. Hein. Ouais, c'est pas. Et c'est vraiment bien écrit, ces personnages. Ouais. Ah, Christopher. Hein. À part les bisous, certes. Ouais, ça pour moi, c'est la faute totale. Hein. T'as raison. Je suis dingue que j'ai pas vu, mais bon. Voilà. Et du coup, j'aurais envie. Je suis entre 80 et 90 quand même. Ouais, ouais. Je pense que je vais être à 87. Waouh, pas mal. Ouais. 87, c'est haut. Hein. Ouais, je sais. Mais vraiment, je pense que dans ce moment de sa carrière, il n'y a pas beaucoup de films. Après, c'est vrai qu'il y en a certains que je n'ai pas vus après. Ouais. Mais où il est lâche, quoi. Il n'y a pas beaucoup de films où il remet en question ses rôles de l'homme, comment dire... La figure du mal, vraiment, alpha. Voilà, et que je pense que... Sur la décennie même, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je me dis, ah ouais, enfin, je pense que c'est peut-être les seuls. Bon, on verra ça au bilan. Attends, il y a encore la momie qui arrive. Oui. Oui, mais il n'est pas... J'ai pas vu la momie, je dis ça. Mais je ne pense pas qu'il soit lâche. Je ne pense pas qu'il a ce genre de rôle. Non, je pense qu'il y a plutôt... Il va y avoir Barry Seal quand même, qui est un personnage intéressant. Mais je me dis, ok, ces personnages-là, ils servent des cautions pour la décennie où on peut dire, ah non, quand même, mais il n'a pas la tête, tu vois, il n'est pas gonflé. C'est juste qu'on ne lui offre pas ces rôles-là, mais si on lui offrait même, il le cherche même, tu vois. Et du coup, ça lui fait une caution pour les spectateurs qui vont dire, ah non, lui, tu vois, les snobs. Donc, je pense que c'est important. 87, pas mal. 87. Toi? Moi, du coup, j'ai galéré. J'ai fait plein d'allers-retours. Bah, j'ai fait comme d'hab, je me suis fait une petite fourchette. Je voyais pas trop comment le mettre au-dessus de Minority Report. Ah bon? Ouais. Parce que pour moi, Minority Report, quand même, c'est Spielberg, c'est un carton, c'est une référence dans les films de SF. Là, ce qu'il y a, effectivement, il y a son interprétation, son rôle. Moi, je trouve, pour moi, ça, c'est stop. Le film est vraiment très, très bien. Il est moins culte, je pense, que Minority Report. Il est après, ouais. Par contre, il fait, là où il est impactant, c'est qu'il fait partie des films où quand tu dis Tom Cruise, tout le monde dit, ouais, Tom Cruise, j'aime pas machin. Il dit, ah si, il y avait le machin où il fait la boucle temporelle, j'avais bien aimé, c'était ouais, sympa. Ça, c'est sûr. Presque comme si c'était un petit film indé, alors que bon, c'est quand même un film à 170 millions, mais souvent, c'est vrai que ça fait partie des films qui reviennent où les gens disent, ah si, j'avais bien aimé dans ce truc-là. Ouais. Et puis, c'est un film qui, je pense, dans les films récents de science-fiction, fait partie de ceux où on dit, ah, tu vois, il y en a une petite vingtaine, 15-20, où on dit, ah, ceux-là, ils ont quand même eu des petits trucs sympas. Carrément. Au milieu de toutes les reboots de Star Wars, de machin, de trucs. Il y a quelques films de science-fiction, genre Les Fils de l'Homme. Je reviens toujours à ça, mais genre, t'as des films comme ça, tu fais, ouais, ça impacte vraiment la science-fiction, quoi. Ouais. Et je pense que Edge of Tomorrow doit faire partie de quelques films comme ça. Donc, c'est impactant. Après, je te dis, je peux pas le mettre au-dessus de Minority Report, je pense, parce que Minority Report, ouais, c'est Spielberg, enfin, c'est plein de trucs. Et Minority Report, j'ai dû mettre 84, un truc comme ça, tu vois. Ouh là là. Donc, faut que j'aille en dessous, et après, je sais pas trop où mettre. Je crois que je vais mettre un truc du style 78, ou un truc comme ça. Aussi peu. Ouais, c'est 78, non, je crois que je le mets au-dessus de La Firme pour moi. Et La Firme pour moi, c'était très haut déjà, tu vois. Ah ouais, La Firme. Oh là, ça remonte ça. Ouais. C'était quand on était jeunes. Et oui. Du coup, c'est pas mal. Bah, attends, ça nous fait une moyenne au-dessus de 80, d'ailleurs, ça. Hein. 87, 78, ça fait exactement la même chose inversée. C'est ça. Très bien. C'est une espèce de boucle, finalement. Boucle. Non, pas ah du oui, tout. Grave. La boucle dans la boucle. Et Rotten Tomatoes. On a combien? Pas 4, beaucoup, non. 91%. Ah, ouais. Ça me fait plaisir. Bah, ah oui, oui non, ça, des super critiques. Ah oui. Où en gros, les gens disent que c'est rafraîchissant parce que c'est un peu original, le truc. Le truc qui revient, c'est la fin, là, en point négatif. Mais c'est le seul truc négatif. Ah, qu'il arrive à la rétro et qu'il ne meurt pas. Ouais, le dernier reboot. Le reboot final a perturbé du monde, apparemment. Mais ça n'empêche pas, tu vois, quand même que globalement, tout le monde dit c'est bien, c'est drôle, c'est très drôle, c'est très, très original, et très belle adaptation, machin. Ah, cool. Ça fait plaisir. Et du coup, pour reparler de cette fin, nous allons passer à notre rubrique suivante qui est la question du jour. La question. Why is Tom Cruise so can't Tom Cruise? Why is Tom Cruise can't Tom Cruise Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise and Tom Cruise fly a helicopter? Tom Cruise did Tom Cruise really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes. La question du jour. Est-ce Alors. Que Tom Cruise, bah ça fait le lien avec ce qu'on disait sur les critiques, c'est est-ce que Tom Cruise est condamné à toujours avoir un happy end dans ses films? Oh, interesting. Parce que là, il y avait ce truc-là. Je lisais, j'ai lu des trucs, tu vois, sur la fin. Et en gros, c'est McQuarrie qui disait, c'est lui qui a poussé pour avoir cette fin. Donc où au final, il y a un dernier reboot, en gros. Où Tom Cruise revient au tout début, mais tout est réglé. Enfin, gros, tout va bien. Il est encore en vie. Tout le monde est encore en vie, quoi, en gros. On a sauvé tous les personnages. Donc, vraiment, pur happy end. Mais intéressant comment c'est fait plutôt finement. Et McQuarrie disait, en fait, quand il y avait la nouvelle de base, on a quand même traité le truc de manière un peu humoristique. Et on essaie d'amener un peu de fraîcheur dans la chose. Et il dit, je voyais pas avoir une fin où tout le monde meurt. Alors, la planète est sauvée, mais tous les personnages qu'on a croisés, ils sont tous morts. Et il fallait qu'on trouve quelque chose, en fait, pour rester quand même un peu dans le truc. Donc, ils ne voyaient pas pas faire un happy end, en fait. Ouais. Après, il fallait trouver laquelle manière faire. Et je me disais, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc, c'est qu'en fait, faire mourir Tom Cruise dans un film, on revient toujours au même truc, quoi. T'as cette espèce de vedette. Est-ce que tu peux vraiment la faire mourir dans un film? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que tu... Par exemple, moi, je pense que c'est purement économique. Hein. C'est dire, si Tom Cruise meurt, on pourra pas faire un nouveau film à 300 millions de dollars en deux. Après, en vrai, tu peux largement le faire parce que là, t'es dans un film de science-fiction avec des boucles temporelles. Donc, tu le fais revivre. Oui, trop mais facilement, quoi. C'est trop difficile. S'il meurt à la fin du film, les deux, tu vas pas les faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu tiré par les cheveux. Après, je pense pas qu'ils aient fait cette fin en se disant on pourra faire une suite. Je pense que c'est pas tu le but. Tu penses pas? Non, je pense que c'est après. Quand il y a, quand ça, je pense que quand ils l'ont fait très sincèrement en se disant on fait un film. Et c'est après avoir fait le film où ils se sont éclatés à le faire, ouais. Avoir vu les retours et en se disant il y a peut-être moyen de faire d'autres trucs, quoi. Mais non, pour moi, c'est un caution. Peut-être ça marche pas, on fera pas des deuxièmes, mais si jamais. Ah ouais, ouais. Ah, bon, je sais pas. Mais... Après, sur les PN, je suis pas. Si c'est que pour lui, pour la vedette, je suis pas méga sûre parce qu'il y a plein de vedettes, peut-être pas à la hauteur de Tom Cruise, mais qui ont fait des films des... qui te font chialer. Genre, je pense à Bruce Willis avec Armageddon, où c'était le blockbuster des années 90, qui s'est sacrifié à la fin pour sauver sa fille, qui te fait chialer, c'était une putain de vedette, tu vois. Et si c'est une fin comme ça, je veux dire, Hollywood est tout à fait prêt à tuer ses vedettes, justement, pour faire chialer des milliers de personnes, et ça cartonne après. Comme Leonardo DiCaprio sur Titanic. Oui. Je veux dire, il y en a de... Et donc, alors, mais Tom Cruise, soit... tu vois, je me demandais, est-ce qu'il y a des films où il meurt, à part Valkyrie? Ah ouais. Je crois que c'est le seul film où il meurt. Ben non, c'est Collatéral, mais il est méchant. Mais c'est méchant. Ouais. Donc, tu vois, je sais pas, il y en a d'autres. Je sais pas s'il y en a d'autres. Parce que c'était un peu. Non, c'est vrai. Ben, il fait pas de sacrifice ultime. Ouais. Il arrive toujours à réussir à sauver les mondes, mais. Dans la guerre des mondes. Presque, il aurait pu mourir, mais bon, non, ça pienne un ouais, peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, intéressant. Après, là, en plus, c'est ce truc complètement con, parce qu'en gros, il a fait le sacrifice top. Ouais. Ça pourrait être le martyr ultime, sauf qu'on repart à zéro, on sait pas du tout que c'est lui qui a fait ça. Et ça, c'est il repart en mode, bon, bah là, moi, je suis... T'as qu'un publicitaire. publicitaire. La meuf que je kiffe, elle me reconnaît plus. Je suis, bon, bah voilà, vie de merde. Hein. Ouais, j'ai sauvé tout le monde, personne le sait. Oui, mais bon, en même temps... Non, voilà, c'était mon truc vraiment. Je me dis, est-ce qu'on peut faire autre chose que des happy end, enfin, ou des happy end, ou en tout cas des résultats positifs? Est-ce qu'on peut le tuer? Est-ce qu'on peut tuer Tom Cruise? Ouais, c'est pas évident. Ouais, s'il revient pas, c'est chaud. Voilà. Intéressant, intéressant. Allez, avant de se dire au revoir, des petites recommandations. Tournée de recommendation. Recommendation. Alors, moi. T'en as 40. Non. Finalement, j'ai réduit à. Un film, notamment des boucles temporelles que je ne sais pas si tu as déjà vu. Je ne sais pas si je l'ai déjà conseillé d'ailleurs. Ah. Peut-être. Bon, révèle, faut le revoir. C'est Palm Spring. Ah oui, Palm je l'ai Spring. Vu. Avec, putain, c'est trop bien. Mince, comment il s'appelle? Andy Samberg. Ah, et oui. Je trouve il marche bien, lui. Que la boucle est vraiment bien traitée, tu vois. Bon, il faut pas spoiler, donc regardez. Mais la fille du film, elle fait exactement ce qu'il faudrait faire si tu es bloqué dans une boucle. Et je trouve que c'est la première fois où j'ai vu avec Edge of Tomorrow, tu vois, l'idée, ils s'entraînent pour devenir meilleurs. Ouais. Je trouve ça marche super bien c'est hyper drôle. Et c'est un bon film de. Il est passé complètement inaperçu. Alors qu'il est vraiment. Et c'était bien. Pas un film direct Netflix ou un truc comme ça? Il était sur Hulu. Ah oui. Hulu. Et si vous le trouvez. Ah vraiment, ouais, mais je crois qu'il est sur Netflix. Hein. Je ne veux pas dire bêtises. Hein, mais... Ça marche trop bien. Et ils sont trop drôles et lui, il est trop débile et ça marche trop bien. Ouais, puis là, c'est vraiment. Ouais, c'est, si tu étais coincé dans une boucle temporelle, bah oui, en vrai, tu ferais que de la merde. Et c'est trop, trop bien. Voilà, je trouve vraiment belle boucle. Oui, c'est une rom-com boucle temporelle qui a un genre qui existe pas mal, mais qui là est vraiment fun. C'est vrai. Qui est vraiment fun. Qui sort des clichés habituels, c'est vrai. Voilà. Cool. Et toi? Eh bien moi, je vais recommander une bande dessinée qui s'appelle Démon. Démon, voilà. Ok. Qui est sortie en 2016, qui est écrit et dessiné par Jason Shiga. Alors c'est pas facile, faut pas que je spoil, mais en gros vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est fantastique, c'est très très très très drôle. C'est l'histoire d'un gars, Jimmy Yee, qui ne meurt jamais en fait. Enfin, qui passe son temps à mourir et se réveiller. Ah ok. Et mais pas dans une boucle. C'est pas une boucle. Ok. Tu vois, c'est là le truc en fait, c'est que il meurt très régulièrement, à peu près toutes les pages quoi, mais il revit et le temps avance quand même. Hein. Ah ok, trop bien. Donc voilà. Et ça va partir complètement en cacahuète parce que du coup, il va devenir très très recherché à cause de ce qu'il fait. En fait, à cause de son pouvoir, mais personne sait que c'est à cause de son pouvoir. Ah, j'essaie de pas spoiler, mais vraiment, faut le lire, c'est génial. Mais on les trouve en français. Ouais. Ah, oui, il est sorti, je te dis, en 2016, je crois. Cool. Ah non, c'est ça, je te le passerai, c'est un pavé, c'est génial. Trop bien. Mais après, Jason Shiga, c'est très très drôle ce qu'il fait. Mmh. Il fait plein de BD, il en a fait des BD à choix multiples, complètement connes, où justement il joue avec ce truc. Ah, enfin, il adore. Et là, il apprend ça, en gros, c'est un mec qui meurt à chaque fois. Mais si tu pousses le potard à 20 000, jusqu'où ça va en fait? Si un mec à chaque fois qu'il meurt, il revit encore et encore, encore. Enfin voilà, c'est très très drôle. Oula. Voilà, Jason Shiga, Demon et Palm Spring, ce sont les recommandations d'aujourd'hui. Alors, on se retrouve dans 2 semaines pour vous parler de quelque chose de très original qui s'appelle Mission Impossible Rogue Nation. Allez. C'est parce que ça doit bien faire 2 épisodes qu'on a pas parlé Mission Impossible, alors hein, on y retourne. Eh oui. D'ici là, vous pouvez faire plein de choses. Oui. Dans l'ordre, dans le désordre, vous pouvez aller sur PodCloud, sur le catalogue, vous pouvez créer des podcasts, vous pouvez en écouter d'autres. Oui. Vous pouvez mettre des pouces, des étoiles peu partout, genre Apple Podcast, les machins. Vous pouvez venir sur les réseaux sociaux @cruzometer sur Instagram et Twitter pour nous envoyer des petits messages, pour relayer, pour faire de la pub, pour faire machin, on s'en fout, peu importe. Vous pouvez aller sur le site cruisecontrol.card.co, ouais. Card avec 2 R, pour revoir tous les vieux épisodes, parce que là on a une quarantaine hein, entre les hors-séries, les machins et tout ça. Donc vous pouvez les écouter, les partager, tout ça, machin, là, là, là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce jeu ? C'est déjà pas mal quand même. Pas mal. Vous pouvez regarder les films de Tom Cruise, vous regardez les prochains. Les prochains, c'est donc Mission Impossible Rogue Nation, ça doit être le Jack Reacher 2, Never Go Back, La Momie, Barry Seal et Fallout. Et après, c'est fini. Et après, ce sera la fin. Bon, on aura le temps d'en reparler parce que ce sera pas vraiment la fin, mais un peu la fin, mais pas trop la fin. Mais bon, voilà. Voilà. Je crois que là, on a fait. Là, vous avez tout ça, vous piochez là-dedans, vous faites un des trucs de tout ça. Un pourri. Voilà. Et puis nous on vous fait des bisous, on dit à dans 2 semaines. Des bisous. Let me be your angel chariot and lightning rod. Let me be the one to get you closer to a god. I'll fly you up to heaven so you can see the sky. A trip into the light. Mes deux seuls trucs que j'ai notés en regardant, c'était un film avec François Hollande et avec une Renault Espace. C'est la France.